Anaïs Quien, bonjour. Bonjour Gavier, bonjour à tous. Mais dites donc Anaïs, vous ne seriez pas au téléphone portatif ou à un autre téléphone? Si, malheureusement, je n'ai pas pu atteindre la radio ce matin. Des soucis de métropolitain sans doute. Exactement. Mais Anaïs, vous avez avec vous votre journal, j'en suis sûr. Un journal aujourd'hui qui se pose cette question, faut-il s'asseoir sur l'inéluctable? Expliquez-nous Anaïs, parce que j'ai l'impression que vous avez du mal à tourner la page. Et oui Xavier, une séquence historique de cette rentrée s'est achevée cette semaine avec la clôture de la session parlementaire britannique et avec elle le spectacle du chahut des élus. Terminer les hors-d'œuvre de Berko, terminer les embrouilles de banc, terminer les humiliations répétées de Boris Johnson, la dimension dramatique du moment a encouragé les amateurs de beaux gestes, d'activisme créatif, d'actions symboliques et de références historiques, bien sûr. Bien sûr. Alors la presse s'en est largement inspirée pour alimenter la désormais incontournable rubrique Brexit, la rubrique Brexit, une rubrique à feuilleton même, souvent en panne d'inspiration depuis des mois. Ils s'en sont inspirés pour ça. Et oui, Martin Bennett dans The Conversation commente la dernière journée de la session de la Chambre des communes. Rappelez-vous, pour empêcher leur congé forcé, les parlementaires ont tenté d'interdire au speaker de s'asseoir sur son fauteuil présidentiel. En 1629, une opération comparable avait eu lieu, mais cette fois-ci, les députés s'étaient assis directement sur le président de la Chambre, qui par la force des choses ne pouvait donc plus quitter le Parlement et donc achever sa session. Tout en étant installés sur leur président, les députés adoptèrent une série de motions condamnant les politiques du roi. Pour Martin Bennett, John Berko n'en méritait pas tant puisqu'il avait ouvertement désapprouvé la décision du Premier ministre de se passer des parlementaires pendant les négociations avec Bruxelles. France TV Info nous plonge dans la séquence suivante et décrit les quelques parlementaires de l'opposition qui traînaient encore leur désœuvrement dans la salle désertée quand ils ont décidé d'entonner toutes sortes d'hymnes, dont Scots Way Hay, un chant du XVIIe siècle écrit pour célébrer la souveraineté de l'Écosse vis-à-vis du Royaume d'Angleterre. Rappelons que l'Écosse a majoritairement voté contre le Brexit. Oui, mais ces moments savoureux avaient commencé bien avant, Anaïs. Oui, en mars, dans le Daily Telegraph, on pouvait lire comment toujours John Berko, baptisé Ziggy Berko à cette occasion, pour souligner l'aura qu'il avait déjà acquise à ce moment-là, avait fait obstacle à la stratégie de Theresa May, qui misait sur la lassitude de l'Assemblée en proposant le même texte au vote pour la troisième fois. En invoquant une jurisprudence du XVIIe siècle, Ziggy a brisé ainsi la tradition des votes à répétition sans fin qui faisait jusqu'alors le quotidien de Westminster. Laurent Geoffrin, dans Libération, est allé voir de plus près l'origine de ce texte, arrêté en 1604, un an après la mort d'Elisabeth, la première, pas la seconde évidemment, selon lequel l'exécutif ne peut pas présenter trois fois de suite le même texte aux députés. La trouvaille de Berko a été saluée par une bordée d'injures côté conservateur et l'inspiration de Geoffrin ne s'épuise pas puisqu'il le compare au retors Francis Drake, l'amiral élisabétain, vainqueur des Espagnols et admiré par tous les Anglais. Ziggy Berko en a séduit plus d'un et rendu ses interminables débats plus attrayants pour la presse aussi. Et certains sont remontés plus loin encore dans l'histoire du Royaume-Uni. Le Figaro remonte jusqu'au XIe siècle pour commenter le protocole royal de promulgation et plus particulièrement la loi votée in extremis qui a contraint le Premier ministre à un report de 3 mois du Brexit si aucun accord n'était trouvé avec Bruxelles avant le 31 octobre, date fatidique. Pour acter d'une nouvelle loi, sa lecture est ponctuée d'un exotique « la reine le veut » en vieux français. Suite à l'invasion de Guillaume le Conquérant, les lois sont effectivement écrites en vieux français jusqu'au couronnement en 1399 d'Henri IV, premier roi d'Angleterre, et non le roi de France qu'on connaît, premier roi d'Angleterre à pratiquer l'anglais depuis la conquête normande 3 siècles plus tôt. Martin Bennett, dans The Conversation, le rappelle, ces prorogations et dissolutions surviennent en temps de crise. Parce que tout occupé à jouir du spectacle, on en aurait presque oublié l'enjeu du moment, l'imminence de la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne. Oui, et c'est un enjeu très fort. Merci beaucoup Anaïs Quien. Si nous étions des escrocs, nous dirions Anaïs Quien qui était en duplex de Londres. Mais non, nous sommes honnêtes. Vous étiez dans les faubourgs parisiens bloqués à cause d'une grève de métropolitains.